Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sacha Ferrat. Salut Sacha, comment tu vas? Comment tu vas toi? Ça va super, c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, un plaisir d'avoir reçu l'invitation déjà. Plaisir partagé, c'est super cool de pouvoir parler avec d'autres amoureux de la scène, malgré les frontières, malgré la distance, voilà, la passion de la scène nous unit. Exactement. Justement, cette passion de la scène t'a sûrement apporté des galères que tu voulais nous raconter à travers le podcast. Ouais, de ouf, de ouf. Déjà, je crois, en termes d'anecdotes, j'ai réfléchi à ça quand tu m'avais proposé le podcast et j'en ai pas 100 000, hein, je te le cache pas, mais j'en ai, allez, deux, trois qui me sont revenus. Déjà, ma première scène, ça c'était... On va dire émotionnellement, c'était le moment le plus galère que j'ai eu. Enfin, je pense que c'est un peu pareil pour tous les humoristes. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi c'était dans une chicha. C'était dans une chicha. ça va. Après t'étais immunisé pour le reste. Donc, c'est exactement ce que je me dis. Tu vois, quand je dis aux gens que j'ai commencé en chicha, il y en a, ils me font waouh, t'as commencé par le plus dur et tout. Ouais. Et, disons que j'ai eu de la chance parce que la chicha que j'ai faite, moi, ça va. J'ai pas fait un carton, mais les gens n'étaient pas hostiles, tu vois. Ouais, alors ouais. Qu'il y a des chichas, si j'étais monté, tu vois, j'ai fait d'autres chichas après qui étaient beaucoup plus fortes et beaucoup plus galères, on va dire. Donc, je pense que si j'avais fait ma première scène là-bas, je sais pas s'il y en aurait eu une deuxième, tu vois. Ouais, c'est ça, une première scène et avoir la répartie de Mustapha et la Tracy, c'est pas possible, tu vois. Donc, exactement. C'est chaud. Franchement, et donc, chaud. Toi, ta première, comment ça s'est passé? Moi, c'était au Next Prince of Comedy. Donc, j'ai commencé par faire un concours directement d'humour. Ah oui, toi, t'es parti dans le grand bain, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, je voulais un truc encadré, tu vois. Genre, je sais pas, j'étais rassuré par le fait qu'il y ait des règles et que ce soit un truc pro, on va dire, plutôt qu'une scène ouverte et que j'arrive dans un café et que en fait t'es pas là pour ça et qu'il y ait personne qui t'écoute. Donc j'avais anticipé ce truc là parce que j'avais peur d'être dégoûté parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Enfin, bref, je suis arrivé sur scène. Donc en plus, ce qui est horrible, c'est que au Next Prince of Comedy, quand les qualifications pour voir si tu vas aller en demi-finale, enfin en huitième, en quart, etc., et ben il y a des qualifs. Et t'es tiré au sort. Et donc moi, c'est ma première scène. Et tu vois, tu sais pas quand tu vas passer ou pas. Il n'y a pas de line-up. Enfin, il n'y a rien. Et du coup, chaque fois, il y a quelqu'un qui tire au sort ton nom dans un bol. Et je suis passé dans les derniers. Du coup, j'ai stressé ma race toute la soirée. Et je crois que j'avais perdu facile 4 litres d'eau. Franchement, j'étais pas loin de ce truc-là. C'était hyper stressant. Et je monte sur scène avec un texte. Franchement, il était éclaté. Mais éclaté. Mais j'ai eu, je parlais des bus, vraiment, en plus, je parlais juste des bus, genre avec des blagues nulles, genre avec, tu sais, les mamies dans le bus, la vieille dans le bus, enfin, tu vois, le gros cliché, quoi. Et j'ai eu trois rires, je crois, sur 5 minutes, 3 petits rires, mais ces rires-là, c'était comme une révélation, tu vois. J'étais là, oh, ça fait du bien. Mais quand il n'y avait pas le rire, sur 5 minutes, que 3 petits rires, c'est rien, quoi. Et quand il n'y avait pas les rires, je me sentais seul. Mais seul, comme j'avais jamais été, je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis dans cette galère, tu vois. Vraiment, d'où le galère du monde. Ah, bah oui, oui. Je crois que qu'est-ce que je fais là, tout le monde l'a déjà ressenti à un moment ou à un autre sur scène. Mais ouais. Et... c'est vrai que ce que tu dis, en fait, d'avoir stressé toute la soirée, je comprends totalement parce que déjà, toi, tu avais le stress que ton nom pouvait sortir à n'importe quel moment. Et j'avoue que d'habitude, en fait, même si tu passes dans les derniers, tu le sais au moins au début de la soirée, quoi. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, le tirage au sort se fait d'un coup, normalement, tu vois. Genre, on va tirer au sort une fois et on va savoir qui passe après qui. Alors que exactement. Toi, c'était un après l'autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. En plus, on était blindés, on était une trentaine à devoir passer, enfin une trentaine, j'exagère peut-être, mais franchement, on était entre 20 et 30, ça c'est certain. On était plus que 20 et c'était une longue soirée, quoi. Je crois que quand je suis arrivé là-bas à 17h30, parce que je stressais, ça commençait à 20h, vraiment, et je me suis dit, je suis arrivé là-bas beaucoup plus tôt, comme ça je peux répéter, et je suis passé à 22h45, quoi. Donc de 17h à 22h45, j'étais en stress. Ah ouais. J'ai parlé, j'appelle ça en pilote automatique quand tu es sur scène. Tu connais ton texte et tu le débites, mais tu le vis pas, tu vois. Ouais, bah c'est Mais quand tu vois qu'il n'y a pas de réaction ni rien, tu le voilà, débites exactement. juste Bah, pour une pour. première scène, voilà, je voulais juste le passer. Et étrangement, c'était ma pire galère, mais en même temps, mon meilleur souvenir. Parce que quand je suis sorti de scène et que j'ai entendu les gens applaudir et que c'était quand même bien, parce que j'ai été. Après, ils font un classement, tu vois. Et c'était ma première scène et j'étais 11e, genre, sur plus de 25, et ils en prenaient 16. Et donc là, je me suis dit, si le jury m'a pris, c'est que j'ai bien choisi cette voie-là, quoi. J'étais très content. Donc, c'était une de mes pires galères, soit en moment donné sur scène, et en même temps, un de mes meilleurs souvenirs. C'est un peu spécial. Ah ouais, Donc, d'accord. C'est intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il y a des galères qui sont des anecdotes intéressantes en même temps. C'est ouais, il il y y a a des des galères qui t'apprennent, quoi. Mais là, ouais ça m'a rien voilà. appris à part me dire, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire quelque Ouais, part. voilà, en fait, c'était une expérience pour toi, c'était une aventure vraiment totalement nouvelle, et ça t'a permis de voir que, en effet, c'était bien le rêve qu'il fallait poursuivre, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, j'enchaîne comme ça. En termes de galère, j'ai réfléchi. J'ai eu mon plus gros bide. Ça, c'est classique, mais il était assez conséquent, je te le cache pas. Grand classique, t'inquiète pas. En plus, il était particulier dans le sens où j'avais participé à une scène ouverte qui se passait à Liège. Et cette scène ouverte, donc, elle se faisait une fois par semaine sur l'espace de toute l'année. Et à la fin de l'année, les organisateurs de cette scène ouverte choisissaient ceux qu'ils avaient préférés ou ceux qui avaient le mieux fonctionné pour faire le best-of de cette scène ouverte-là, genre la dernière scène de l'année, tu vois. Ouais, c'est Et donc un petit enjeu, quoi. ouais, voilà, moi je suis content, moi j'ai été choisi avec des noms comme, enfin, je sais pas si tu vois, mais je pense que tu vois Ino JP, etc. Bien sûr, il Et était dans le podcast aussi. ah ben voilà, ben, moi ça faisait. Pour lui, moi, quand je le voyais sur scène, c'est lui qui d'ailleurs m'a présenté à ma première scène, un Experience of Comedy. C'est lui qui présentait la soirée. Là, ça faisait même pas un an que je faisais du stand-up et j'étais sélectionné pour faire ce best-of. Donc, j'étais super content. J'étais avec des gens que j'appréciais beaucoup, enfin, que j'admirais plus. Et je suis arrivé très confiant dans le sens où, ouais, moi, on m'a dit que c'est le best-of. Je suis trop content. On était trois par soirée. On était vraiment payé un cachet. Un vrai cachet, quoi, que moi j'avais jamais touché autant d'argent pour faire des blagues, quoi, tu vois, je trouvais ça fou. D'accord. Tu t'es Ouais, senti un peu voilà. validé en fait, quoi. Ouais, exactement, je me suis dit, ok, c'est bien, donc ça veut dire qu'on me reconnaît, on me met sur la même une même line-up que Ino JP, etc., etc. Donc moi je me suis dit, ok, c'est trop bien, je me suis senti très confiant. En plus, la première scène à cet endroit-là avait super bien marché, t'es public liégeois, t'es hyper content. Ah Et ouais. Ma première scène en Belgique, moi, c'était à ouais. Liège avec le Smile. Ah ouais, bah ouais, bah Voilà, avec voilà. le Smile Comedy, et j'en profite pour les saluer, toute l'équipe. Franchement, c'était un plaisir. Ils m'ont permis de venir jouer, de réaliser mon rêve de venir jouer en Belgique, parce que tu sais, en France, on entend souvent parler du public belge et de sa bienveillance et tout. Et moi, j'entendais ça comme une légende et je disais, faudra que j'aille jouer là-bas un jour. Faudra que j'aille en Belgique. Ouais. Et du coup, j'en avais parlé. Bah, d'ailleurs, j'en profite. Ça me rappelle ça en fait. C'est que j'ai rencontré donc un des membres de la du Smile qui s'appelle Hicham, et Bien sûr, je le bien salue sûr. également. Voilà, et on s'est rencontrés dans un bateau pour le Maroc. Allez. Je te jure, en fait, Excellent. j'étais parti, je te jure, mais c'est incroyable, les hasards de la vie. Ouais. J'étais dans le bateau pour aller au Maroc, donc dans le détroit de Gibraltar, quoi. Ouais, On ouais, était ouais. sur l'eau, tu vois, donc dans le bateau, tranquille. Et je partais, je crois, pour aller remplir les. Tu sais, genre, faut faire tamponner le papier pour la voiture, il faut faire Ouais, tamponner les logique. passeports. Voilà, logique, normal. Je vais là-bas et je le vois dans la file, je crois. Et je vois qu'il a un t-shirt Smile Comedy. Et je reconnais, tu vois. Et je lui dis salam alaikum, excuse-moi mon frère, tu es du Smile Comedy? Il m'a dit oui, tu connais? Je dis oui, je suis un humoriste de Bordeaux et tout. Et je kiffe la Belgique, vraiment, j'entends dire que du bien du public belge et je rêve de jouer là-bas. Il me dit, bah tu sais quoi, prends mon contact et si on peut te faire jouer, on te fera venir. Quelle histoire. Après, des gens qui font des fausses promesses, il y en a pas mal. Attention, faut faire Bien attention. sûr, Mais bien sûr. lui, c'était une promesse sincère. Et ça a été tenu parce que du coup, ils ont organisé la Smile Comedy Friends quelques mois plus tard. Et on m'a dit, bah, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Et j'ai fait yes, bien sûr, tu vois. Et donc, on m'a fait venir et tout. J'ai été jouer à Liège pour la première fois. Donc, tu vois, déjà commencer à jouer en Belgique, c'était un rêve. Mais en plus, devant le public liégeois, réputé pour être le meilleur public de la Belgique, si je dis pas de bêtises. Non, non, tu dis pas de bêtises. Voilà. Parce que ça, je l'ai découvert plus tard, en fait. J'ai découvert que le public belge, tu vois, genre le plus chaud, on va dire, c'est à Liège, quoi. Et je l'ai découvert, en fait, grâce au podcast. Parce qu'à chaque fois que je disais aux gens, tu sais, même en off, même sans enregistrer ni rien. On discutait et tout, et puis il y en a qui me disaient, ah, t'as joué en Belgique? Et je disais, ouais, ma première scène, c'était à Liège. Et à chaque fois, il y avait une espèce de tu sais, ça pétillait dans la voix, tu vois. Ils étaient là, genre, ah, Liège, oh, le public liégeois et tout, tu vois. Et c'est là que j'ai appris tout ça. Et donc, bah voilà, je me suis retrouvé de fil en aiguille à jouer là-bas. Et je suis reparti avec plein de souvenirs et du chocolat. Ah ouais, quel bonheur, c'est... quel Franchement, bonheur, ah, mais là, quelle j'étais aux anges, histoire. hein. Après, je suis revenu plein de fois. Je suis venu sur le plateau de Soum, sur le plateau de Benoît Delaby et tout. Bien sûr, MIP, au au Mons MIP, Comedy voilà. Club. Ah, Ah pardon? ouais, c'est au Mons Comedy Club avec Benoît, c'est ça? C'est ça, exactement. Le Mons Ah ouais, Comédie, excellent. Bah aussi, ils sont bien. la ruche avec Soum, le MIP Ouais. avec Sarah Vanel. On en profite pour les saluer tous. Bien sûr. Et franchement, c'est... Enfin, waouh, quoi. Moi, je suis tombé amoureux du public belge. Donc, quelque part, je peux comprendre que toi, en étant allé jouer à Liège avec un super Ouais. accueil du public, t'es pu prendre tes aises et te dire, bah c'est bon, je suis validé par la street, quoi. Ouais, mais parce que en plus, tu vois, voilà, tu vois, j'arrivais dans ce truc qui est un peu paradoxal, très confiant, parce que genre moi je me sens confirmé quelque part, alors que ça fait même pas un an que je fais ça, mais on m'offre une espèce de petite opportunité. Je me dis comme toi, tu vois, moi je vais à Liège, tu vois. Enfin, c'est pas contre les Français ce que je vais dire, bien évidemment, mais tu vois, quand tu joues à Bruxelles, tu joues plus devant des Français que des Bruxellois ou des Belges, parce qu'à Bruxelles, la culture du stand-up, elle n'est pas ancrée chez les gens, vraiment pas du tout. Et c'est beaucoup plus les Français qui sont au courant de cet art-là. Et du coup, bah, comme c'est la capitale, il y a une énorme multiculturalité et il y a beaucoup de Français qui viennent aux scènes à Bruxelles. Et du coup, les réactions sont pas du tout pareilles que quand tu t'aventures un peu dans le Brabant wallon et que tu vas à Liège ou à Mons, comme tu dis, où là, les gens sont beaucoup plus cool, tu vois. Mais pour eux, ils vont pas voir du stand-up, ils vont voir un spectacle. Ouais, C'est pas pareil. pour résumer, les Français sont pas cool et les autres sont cool. Ok, pas de souci. Non, Mesdames et messieurs, non. c'est la fin du podcast. Je te remercie, Sacha, pour tes histoires. J'ai dit, les réactions sont différentes. Non, t'inquiète pas. Hey, tu sais, je vais te dire un truc. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à Bruxelles pour ça. Tu sais, même nous, en France, moi, je peux te donner un petit peu le ressenti que j'ai sur certaines scènes. On Ouais. va dire le truc le plus connu, bah, je pense que ça va être du coup l'équivalent de Bruxelles. C'est vraiment Paris. Parce que les gens sont plus habitués au stand-up et ils sont plus exigeants. Donc, le public parisien, il n'est pas très, très réactif. Nous, le public du Nord, bah, qui d'ailleurs, du coup, ressemble beaucoup au public belge au niveau de la gentillesse et de la bienveillance, tu prends un plaisir comme pas possible. Nous, à Bordeaux, franchement, ça va, le public est quand même assez cool. Toulouse aussi, super public. J'aime beaucoup aussi le public alsacien et tout. Donc, vraiment, il y a des endroits comme ça où le public est plus chaud que d'autres, hein. Donc, C'est vrai. t'inquiète pas, je comprends totalement, je te taquine, mais c'est vrai que, franchement, ouais, je pense que sorti de la capitale, en fait, je crois que c'est dans tous les pays, ça doit être pareil. Moi, je Sorti de pense que la c'est ça. capitale, bah, les gens sont plus en demande parce qu'il y a moins de choses. Donc, ils sont C'est plus ça, c'est ça. facilement. Ils ont moins les choses à leur portée, on va dire. Du coup, dès qu'il y a quelque chose, ils sont contents de l'avoir, alors qu'à Paris, il y a tout. Tu vois, C'est ça. si il y a 100 000 pièces par soir, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'ils font? Exactement. Ils sont, oui, une fois que tu es assis, ils sont là, bah, vas-y, prouve-moi que j'ai bien fait de venir te voir toi et pas l'autre, tu vois. Donc, ils attendent qu'on leur prouve quelque chose, alors que les autres, ils sont juste là, ils sont contents de passer une soirée entre amis. Enfin, bref, on parle dans un truc de sociologie, là, c'est un peu loin. Non, mais donc, ce que je disais, c'est que dès que j'arrive à Liège, très très confiant, dans le sens où j'ai cet a priori que, tu vois, si ça fonctionne à Bruxelles, ça fonctionne à Liège. Je l'ai déjà fait une fois, vu que j'ai été choisi pour le best-of, ça va aller. Et on me propose de faire 30 minutes. Moi, j'avais jamais fait 30 minutes, c'était mes premières 30 minutes. Donc, j'étais un peu stressé. Je monte sur scène et il faut savoir que je parle pas très fort quand je suis sur scène. J'ai un ton assez monotone tout le long et je crie pas, je surjoue pas. Et je parle vraiment pas très fort. Et il n'y avait pas de micro, parce que c'est une scène où il y a une bonne acoustique, etc. Du coup, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de micro. Ou ils n'ont juste pas les moyens financiers, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je rentre dans la salle et je vois c'est complet, mais je vois pas. Mais c'est que des gens qui avaient plus de 65 ans. Il n'y avait pas en dessous. C'est Franchement, dur. allez, il y avait deux tables où il y avait un peu en dessous. Et moi, j'arrive sur scène et j'avais construit mon 30 minutes. En voulant parler de, je commence par des histoires où je parle de la première fois que j'ai mangé un space cake, etc., etc. Et ça leur parlait pas. Déjà, ça Mais leur parlait pas. au fond de la salle, ils ne m'entendaient pas, vu que je n'avais pas de micro et que je ne parlais pas fort. C'était la première fois, j'étais peu expérimenté. Et il y avait un gars devant moi, tu vois, il pouvait manger en même temps. Et il y avait un gars devant moi, il était avec sa femme en face. Et littéralement, il parlait avec elle. Et il n'en avait rien à foutre de ce que je disais. Oh. Et moi, j'étais hyper mal. Et je regarde ce monsieur et j'essaie de dire ça va, tu vois, genre, j'essaie de faire une interaction pour voir. Et le gars, il me fait un signe de la main, genre, attends, 2 minutes, arrête-toi de parler. Là, je suis en train de parler avec ma femme. Alors, je suis en mode, mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, vraiment, Sacha, tu es vraiment arrogant. Comment as-tu pu empêcher ce pauvre monsieur de discuter avec ta femme? Non, mais en plus, c'est même pas moi, j'ai peur des conflits, tu vois, j'ai peur des altercations. Et du coup, c'est vraiment hyper gentil. Je lui dis juste, excusez-moi, ça va, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe? Et le gars, il me fait vraiment un signe de la main, tu sais, genre, il te regarde même pas, il est juste la main en mode, je suis occupé là. Je suis là, ok, bref, je passe. Là, je suis un peu en mode, je commence à paniquer. Je passe en pilote automatique, là, comme à la première scène. Ouais. Et je débite. Et je vois, il y a zéro rire, mais zéro, quoi. Même le texte, il fonctionne vraiment pas. Allez, j'ai eu peut-être un ou deux petits rires, mais vraiment rien du tout. Je commence à stresser de ouf. Et après 19 minutes, j'arrête, tu vois. Je dis, ok, voilà, c'était tout pour moi, merci. Petits applaudissements, mais vraiment petits, vraiment genre, ok, bon, passons à autre chose. Et là, le gars devant, qui était avec sa femme, je l'entends faire comme ça. Enfin, j'étais là, waouh. Ah oui, donc non seulement il a flingué ton passage, mais il a terminé en te tirant une dernière balle, quoi. Ouais, vraiment, genre, enfin, quoi. Tu vois, genre, vraiment, comme si le gars venait d'être libéré d'un poids. Et mais en plus, t'as envie de lui dire, ben, je m'en fous que t'aies pas aimé, t'as même pas écouté. C'est pas comme s'il s'était mis en condition, tu vois, genre, vraiment avec sa femme. Genre, vas-y, on va profiter, écoute bien. Et après, il écoute, et après, t'arrives pas à l'attraper. Là, c'est autre chose. Là, c'était un bide, mais c'était un bide inévitable. Est-ce que tout le monde mangeait, ou est-ce que uniquement cette table-là mangeait? Ouais, il y avait beaucoup de gens qui mangeaient, mais pas uniquement cette table-là, mais il y avait, tu sais, les gens parlaient beaucoup entre eux, ils en avaient un peu rien à faire, mais dans le sens où, normalement, c'est parce que je passais premier, et vraiment, ils s'en foutaient de ce que je racontais, ça leur parlait pas. Après, il y a InnoJP qui est passé après moi, et franchement, lui, ça a été, tu vois, enfin, tu sais, c'est InnoJP, son texte est incroyable. Moi, j'avais pas encore les épaules pour assumer ce truc-là, mais ça passait pas aussi bien que je l'avais déjà vu, comme je l'avais déjà vu faire. D'habitude, les salles, elles sont écroulées. Et là, tu vois, c'était... Ouais. Tout a perdu du niveau, quoi. C'est-à-dire, c'était les mêmes réactions que d'habitude avec, par exemple, je sais pas moi, la moitié ou le quart des réactions habituelles, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Parce que tu vois, il y a donc Inno qui passe et je vais le souvenir que c'était pas aussi bien que c'était comme... enfin, que d'habitude. Et puis, il y a eu Nathan Drapa. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, il était dans le podcast. Ben voilà. Et bien lui, tu vois, il a pas forcément de texte. Quand il voit que les textes, ça passe pas, il monte et il part en impro total. Et là, les gens, ils étaient explosés. Oui. Et j'avais jamais vu une salle comme ça. Ouais, et bien Nathan, c'est ça sa force, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Il sort des sentiers battus, je veux dire, dès qu'il voit que ça part en vrille, tu sais, que son texte passe pas, il y va, allez hop, tu sais, lui, c'est pas pilote automatique. Lui, c'est impro. Et c'est une force qu'il a. Il a une bonhomie, il a vraiment une. Ouais, une c'est monstrueux. Bonhomie. Ah mais il est génial, moi franchement j'aime beaucoup vraiment son talent et tout sur scène, il a ce côté bonhomme qui va te raconter des trucs, tu vois, qui va passer un petit moment avec toi, t'as l'impression de discuter avec un copain, quoi. Ouais, exactement, non mais lui c'est monstrueux, il est très très très très fort, coup lui tu vois ça va exploser, et puis après justement on a reparlé, c'est une des scènes qui m'a appris un truc, c'est que quand ton texte passe pas, tente, tu vois, si ça marche pas avec ton texte, tente avec... avec de l'impro, et si ça marche pas, ben, ça marchera pas mieux que ton texte, tu vois. Mais au pire des cas, ben, dans le meilleur des cas, ça va aller, et dans le pire des cas, la salle va rester exactement avec la même impression qu'elle avait quand tu faisais ton texte. En gros, ça peut pas être pire, quoi. Exactement, donc ça m'a appris un truc, c'était vraiment mon pire bide, 19 minutes de blanc, alors que je vais faire 30 minutes, bref, et le pire des pires, c'est que la suite, j'ai tellement mal marché que ça devait se faire en 2 soirs, un samedi soir et un dimanche soir, je pense, ou un vendredi, un samedi. Ça n'a pas marché le vendredi, enfin le premier soir, et le deuxième soir, on m'a fait comprendre, genre en mode non, mais tu sais, t'es pas obligé de recommencer, c'est pas la peine que tu remontes sur scène. Donc, genre en mode c'est le même type de public, ça va pas te parler. Alors que moi, j'étais arrivé un peu déterminé. Genre en mode, ok, aujourd'hui je vais faire de l'impro, je me suis remis en question, et on m'a pas laissé D'accord. Ouais, on m'a pas laissé. C'est dommage, je veux dire, ils auraient pu te laisser cette seconde chance parce que je pense qu'après un bide, tu as le même sentiment que tous les humoristes. C'est genre. Enfin, ça dépend. Quasiment tous. La plupart des humoristes, moi, j'en fais partie tu vois, je fais partie de cette catégorie-là. C'est que dès que je prends un bide, j'ai tellement les nerfs, j'ai tellement mal que je veux qu'une seule chose, c'est remonter sur scène tout de suite. Ouais, j'ai exactement. Ouais, moi aussi, au plus vite. Voilà. Pour être sûr parce qu'après, il y a peu d'humoristes pour qui, dès qu'il y a un bide, là, par contre, non, c'est une espèce de carton rouge, faut qu'ils arrêtent la scène pendant X temps avant de remonter, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, eux, c'est comme s'ils se faisaient les croisés alors que nous, on se prend un coup, tu vois. C'est totalement ça. Non, mais je pense que ce soir-là, ouais, c'était compliqué. T'as réuni toutes les mauvaises. Toutes les mauvaises choses. Déjà, l'absence de micro, bon, j'imagine qu'aujourd'hui, t'arrives quelque part, même s'il n'y a pas de micro, tu vas leur dire non, j'ai besoin d'un micro. Non, franchement, moi, s'il y a quelqu'un qui me dit il n'y a pas de micro et que la salle, on m'entend, franchement, je prends sur moi, je déteste imposer des trucs. Si c'est comme ça, c'est comme ça et je ferai avec, tu vois, c'est pas grave. Ouais, mais je veux dire, mais tu vas quand même demander s'il y en a un. S'il y a moyen, ouais, bien sûr, voilà. Ça c'est sûr. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Voilà, je ne parle pas d'arriver dans une salle, ils te disent il n'y a pas de micro, tu leur dis allez en acheter un, on commence dans 3 heures. Non, c'est pas ça. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, quand j'arrive dans une salle et qu'on me dit bah ici, t'as vu, le son, il est nickel, il n'y a pas besoin de micro, je demande tout le temps, je dis alors, ok, pas de problème, s'il n'y en a pas, je ferai sans, mais est-ce qu'il y en a un? S'il y en a un, je veux bien qu'on le branche et qu'on l'essaye parce que pareil, même pareil. Si voilà, c'est juste une histoire de gestuelle, une histoire d'avoir l'attitude. L'attitude, c'est d'avoir l'ascendant sonore sur la salle parce que tu vois, toi, le mec parlait. Et tu étais en train de jouer, tu n'avais même pas de micro, donc tu étais à égalité avec lui. Alors que quand tu as le micro, ça te donne quand même un ascendant. Je ne parle pas d'un truc négatif en mode je vais vous dominer. Non, bien sûr, non. Mais c'est plus en mode si je veux gueuler, je gueulerai plus fort que toi. Donc ferme-la, tu vois. Voilà. Ouais, bien sûr. Ça impose en fait une espèce de, pas de respect, mais une espèce de stature qui fait que le public va mieux t'écouter si tu as un micro. C'est bête à dire, hein. C'est bête. Ouais, non, mais moi je pensais qu'être sur scène, c'était. C'était bien déjà, mais apparemment pas. Tu comptais sur ton charisme et tout, je comprends. Ouais, franchement, on m'a toujours dit ça, t'as trop de charisme. Donc ça, c'était un souvenir. Et là, je me suis dit, Liège, franchement, ce public, on m'a menti, tu vois. Alors que la première fois, ça s'était très bien passé. Et puis après, j'ai rejoué là-bas et ça s'est très, très bien passé. Donc voilà tout. J'imagine, c'est genre que tu commençais à ressasser dans ton lit le soir même en mode ah, la première fois c'était pas les vrais habitants de Liège, ce soir j'ai vu les vrais habitants, ce soir j'ai vu le vrai visage de Liège. C'est vraiment ça. Les saboteurs. Et la fois d'après, quand t'es revenu, ils t'ont mis un super public et tout, et t'es là, genre ouais, ils ont fait revenir les figurants. Ouais, c'est exactement, c'était un peu le délire, c'était un peu ça. Ne mentez pas, je sais ce qui s'est passé, bon, d'accord. j'imagine genre, tu sais, la troisième fois que t'es venu, c'est genre tu montes en mode hostile. Bah alors, ils sont pas là vos parents ce soir, ceux de la dernière fois qui m'ont pourri, il est où le mec qui parlait avec sa meuf là, hein? Ouais, c'est tellement ça. Ouais, mais du coup quand t'es monté et que t'as re-kiffé après, bah la scène d'après, t'as dû rejouer vers Bruxelles plutôt. La scène d'après, ouais, moi après, moi j'ai tourné que sur Bruxelles, c'est assez exceptionnel que je parte de Bruxelles. D'accord. J'ai fait peu de scènes en dehors de Bruxelles, hein. Quelques-unes, okay. Mais pas beaucoup. Bah, ma question, c'est comment s'est passée la scène suivante? Parce que en général, c'est pas toujours vrai, hein, mais en général, quand tu bides, la scène d'après, t'as tellement les nerfs et t'as tellement envie de te venger, de prendre une revanche dessus, que tu cartonnes. Mais je t'avoue, je vais pas te mentir, je vais pas te dire non, ça a été super bien et tout, parce que je m'en souviens pas. Je sais pas du tout ce que j'ai eu après, mais j'ai pas le souvenir d'avoir pris. Un énorme bide ou quoi, après, ou d'avoir pris un bide même, j'ai pas ce souvenir-là, donc je pense que ça a été, ouais. L'essentiel, déjà, le fait que tu sois monté sur scène après, prouve que ça va, t'as réussi à guérir de ce bide, quoi. Ouais, mais moi je me suis toujours dit la phrase banale, tu vois, un bide, c'est le seul moment où, au final, t'apprends quelque chose, quoi. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose, parce que quand ça se passe bien, ouais, tu montes sur scène, ça s'est bien passé, et quoi? Qu'est-ce que tu vas retravailler? Qu'est-ce que tu vas remettre en cause si tout s'est bien passé? Alors que quand tu te prends un bide, ben là, tu te rends compte que des fois, il y a des publics, ben, ton texte ne fonctionne pas, et ben, tu tentes autre chose, tu vois, ils se sont déplacés, c'est toi l'artiste, tu vois, c'est à toi de faire le job, c'est à toi d'essayer de faire quelque chose, et c'est pas à eux toujours d'essayer de s'adapter à toi. Après, si ça marche pas, ça marche pas, mais t'auras essayé, quoi. Ça, j'ai appris ce jour-là. Ben, je pense que tu es quand même assez mature pour quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup de scènes jusque-là, parce qu'en fait, ben, il y a beaucoup de gens qui vont se remettre en question, mais beaucoup plus tard, tu vois. Genre, sur le moment, il va dire, ouais, le public était pourri et tout, machin. Toi, tu as Oh, compris ouais. très vite, qu'en fait, c'était à toi de t'adapter et peut-être partir sur des chemins un peu plus improvisés, on va dire, que ton texte habituel. Et voilà, je veux dire, tu as compris que c'était une remise en question de ton travail. Et qu'il fallait juste que tu t'accroches, voilà, pour une prochaine scène ou quoi, tu en as pris des leçons. Franchement, c'est moi je trouve ça très mature de ta part. Ouais, bah c'est obligé, hein, en vrai. Si tu veux t'améliorer, tu peux. Si tu restes sur des trucs en disant que c'est le public qui est nul, tu n'avanceras jamais. Parce que si tu dis tout le temps le public est nul dès que ça marche pas, à un moment donné, tu te mords toi-même, quoi. Oui, Comment c'est sûr avancer? que bah, j'ai l'impression qu'il y a des artistes, si tu les écoutes, ils ont joué que devant des publics nuls. C'est bizarre, hein? Ouais, il y a des artistes. Bah ouais. Ils disent tout le temps le public, il était éclaté. Donc ça, c'est le public. Quand le public, il était éclaté, mais on dirait on choisit tout le temps les mêmes personnes qui aiment pas son humour et on les met tout le temps eux devant nous. C'est ça. Il a joué que devant le public, le vrai Voilà. public de Liège que tu as découvert lors de la deuxième, quoi. Exactement. Et toujours avec le même mec et sa même femme qui discutent. Ouais, ce sont-là, ils me suivent. Je sais pas. C'est vrai. Ouais, ça C'est vrai. existe. Ça existe, Après, malheureusement. le problème, c'est qu'il y a des humoristes, voilà, qui ne veulent pas se remettre en question. Et du coup, c'est le genre de personne avec qui, tu sais, tu vas assister à un spectacle, à un plateau, tu joues avec eux et tout. Les passages se passent tous. Nickel, vraiment nickel. Eux, tu les vois bider et soit ils vont te dire, tu vois, il y a deux solutions. Soit ils vont te dire, le public était éclaté ce soir, alors que toi, tu sais que c'est faux parce que tout le monde a eu un passage normal, Exactement, voire excellent, tu vois. ouais. Et soit la deuxième solution, c'est qu'il va te dire, genre la personne, homme ou femme, hein, il n'y a pas de différence, quoi. L'humoriste en question va te dire, ouais, franchement, ce soir, je suis content, j'ai bien marché, alors que tu vois que c'était nul. Donc, tu comprends qu'en fait, il ou elle est tellement habitué à bider que pour lui, c'est devenu la norme, tu vois? Ouais. C'est que c'est horrible, mais j'ai des visages qui viennent devant moi quand tu dis ça. Je veux pas. Il n'y en a pas beaucoup en vrai, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns et c'est comme dans la vie, hein. C'est des gens, à mon avis, qui se mentent à eux-mêmes et qui se voilent la face parce que ça fait moins mal, quoi, c'est tout. Y a pas Mais de, y bon, a pas ils de font souci. du sur place. Je prépare la liste, je prendrai les noms en off. On fera ça, pas de problème. Mais c'est dommage parce que c'est des personnes après qui vont pas évoluer parce que soit ils vont toujours remettre en question le public et jamais eux, donc ils évolueront jamais, soit ils vont toujours se dire ah bah c'était bien, tu sais, avec la deuxième Ouais, solution, le ouais, c'était cool ouais. ce soir. Et tu te dis, bah franchement, enfin, s'ils se contentent de ça, ils vont jamais monter le niveau au-dessus, quoi. Ouais, de Jamais, ils vont ouf. jamais l'atteindre. De Enfin bon, ouf. c'est. Mais le pire, c'est que la plupart du temps, c'est des gens, tu sais, qui sont hyper sympas, tu as envie de les aider. Et quand tu les aides, ils font t'inquiète. T'inquiète. Genre, quand tu leur dis juste, tu veux Je juste gère. dire un truc, ouais, je gère, j'ai vu, t'inquiète, t'as pas besoin de dire. T'as pas. Enfin, bref. Je pars en cacahuète. C'est pas grave, écoute, on les Ouais. salue et puis on espère que qu'un jour ils. Tu sais, enfin, je me demande quelle va être leur réaction le jour où réellement ils vont dire, oh, mais depuis le début, je me plantais en fait. À ce moment-là, ils commenceront à s'améliorer. Après, je parle comme Ah, si, tu sais, comme si j'étais un coach. Je suis pas co je suis pas peut-être. coach de stand-up ou quoi que ce soit, donc. Non, mais t'es quelqu'un qui a l'expérience du stand-up et qui a la maturité de se dire le problème vient de moi et pas du public. Ouais, bah oui, mais jamais de ma vie, enfin, ça m'est déjà arrivé d'être dans la frustration de descendre de scène et de dire c'est le public. Mais après, il y a toujours cette remise en question où je me dis, ben non, c'est juste la frustration de la première heure après la scène où tu t'arrives à te dire oh non, c'était eux, c'était nul, ils comprennent pas. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu re-regardes la vidéo, tu réécoutes l'enregistrement et tu te dis, ah ouais, ok. Non, en fait, j'étais pas dedans, quoi. C'est peut-être ça aussi, j'étais absent et ça se voyait, quoi, par exemple. Voilà. Bah, d'où l'importance de se filmer, hein. Tu vois, moi j'ai remarqué, soit t'es pas dedans comme tu le dis et du coup bah ça marche pas aussi bien que d'habitude, donc ça vient de toi. Soit aussi, et c'est peut-être ce qui s'est passé avec toi quand t'es retourné à Liège, c'est que t'étais parti confiant de ta première fois à Liège Tout à fait. et surtout confiant du fait qu'on t'ait validé dans un best-of et t'étais validé avec des gens que tu respectes et tout et que tu admires. Donc je pense que t'es parti trop confiant. T'es pas parti absent ce soir-là. C'est pas que t'as joué en étant absent. T'as joué en étant trop confiant. Et c'est l'erreur qu'on fait tous. Moi, le premier, les fois où je suis parti un petit peu trop à la limite de l'arrogance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dès que tu pars comme ça, le public le sent. Le public, en fait, il sent. Il a un espèce de sixième sens qui fait qu'il va sentir vraiment toutes les, tu vois, toutes les vibrations que tu De dégages, ouf, quoi. bah de Il y a ouf. Non, des non, ondes, hein. ça va plus. Non, mais Il je y a suis des tout à gens fait qui se d'accord. dégagent. Et quand ils sentent que tu es fragile, que tu n'es pas sûr de toi, que tu es sincère et tout, ils vont être avec toi. C'est sûrement ce qui s'est passé, je pense, au Next Prince, tu vois, parce que tu es parti, comme tu l'as dit toi-même, avec un passage assez moyen, des blagues un peu clichés sur les transports et tout. Et le public n'a pas été séduit par le texte, même si, bien sûr, il y a eu quelques rires, mais il a été séduit par ta présence, en fait. Et là, à l'inverse, même si le texte était bon, parce que du coup, tu as eu de l'expérience entre-temps et tout, là, par contre, ton attitude n'était pas la bonne. Et c'est. Je te dis, je te jette pas la pierre, hein. Je l'ai fait un milliard de fois ce truc-là. Hein. Arriver trop confiant et dire je vais retourner la salle, finalement c'est toi qui retournes chez toi, hein. C'est tout. Hein. Il n'y a pas de. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est ça parce qu'on met trop l'accent sur les blagues, même si évidemment c'est très important, mais je pense que l'attitude sur scène est au moins minimum aussi Ah, bah importante, bien sûr, bien voire sûr. même plus importante. Tu vois, j'écoutais un podcast de Sébastien Marx où il discutait de ça avec Dedo. Et il disait en fait l'attitude sur scène c'est super important. Il vaut mieux arriver avec un texte moyen mais une attitude nickel que arriver avec les meilleures vannes du monde mais ne pas bien les vendre quoi. Tout à fait, mais tu sais, moi, ça me fait penser à un truc. Moi, tu vois, je fais des études de communication, comme je t'ai déjà dit, et en communication, on apprend que, donc, tu vois, être sur scène, c'est pareil, tu vois, c'est communiquer quelque chose aux gens, qui est entre autres un vécu personnel la plupart du temps, et la communication, c'est deux langages, tu vois, c'est le langage qui sort de ta bouche, langage audio, je vais dire, et le langage corporel, et c'est 50-50, tu vois. S'il y a la moitié de ton langage que tu communiques mal, eh ben, tout le reste sera faussé, tu vois. C'est donc si ton langage corporel n'est pas en adéquation avec ce que tu racontes ou inversement, ben tu vas mal communiquer ton message et ça va moins bien passer, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment juste tout, Bah, j'aurais c'est un tout, quoi. C'est un tout. Ouais, j'aurais pensé que le langage corporel, en fait, était supérieur à 50% Ah, dans la conversation. peut-être, ouais, peut-être. Après, ça dépend les textes des gens, je pense. C'est un autre débat, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir, comme Haroun, par exemple, qui n'ont pas besoin ou d'avoir un langage corporel, on va dire, très expressif. Alors que tu prends un Romain de Fraissinet, lui, son truc, c'est de se déplacer sur scène, Ouais. de crier, alors que le texte est très bien aussi, hein, mais tu vois, Bah, c'est pas c'est deux pareil. choses différentes, hein. C'est deux choses différentes, c'est vrai, mais après des personnes comme Haroun, comme Blanche Gardin, qui sont très statiques sur scène, j'ai Ouais. l'impression que c'est aussi un langage corporel, en fait, hein. Le Oui, mais fait bien sûr, bien sûr. De ne pas bouger, parce que après évidemment, s'ils bougeaient pas sur scène et tout, mais qu'ils avaient les bras qui partaient à droite à gauche, qui commençaient un peu à piétiner sur scène et tout, tu vois ce que je veux dire, genre un sur un pied, un coup sur l'autre et tout. Là, ce serait une prestation du coup très, enfin pas statique totalement, mais je veux dire, ce serait juste raté quoi. Alors que là, ils sont droits comme des i et c'est genre le texte en fait, c'est vraiment 100% du truc. Donc allez-y, prenez le texte à 100%. Je ne prendrai même pas le risque de troubler votre compréhension par le moindre geste, quoi. C'est exactement ça, tout à fait. Après, l'avantage d'avoir eu des scènes comme ça, tu vois, un petit peu galère et tout, c'est que, comme tu l'as dit, t'as appris, quoi. Ça t'a permis d'avancer. C'est vrai qu'on n'avance qu'avec les bides. Et, enfin, pas qu'avec les bides, on apprend aussi avec l'expérience tout court. En termes de galère, enfin, je sais pas si je peux, j'en ai une dernière. Vas-y, vas-y, pas de En souci. vrai, j'en ai encore deux. Parce Ouais. qu'il y en a une qui m'est revenue quand tu parlais de Lille. Tu disais, tu vois, dans les publics, dans le nord de la France et tout, c'est mieux. Pas avec moi. Parce que moi, je pense que je marche mieux justement à Bruxelles. J'ai un humour qui est très très bruxellois, on va dire, qui fonctionne Ouais, pas si bien t'as des partout, en fait. références belges ou pas? Ben non, j'essaie quand même de soigner les références quand je vais en autre part. J'essaie que tout le monde comprenne mes références. Mais en fait, j'ai commencé par une très très mauvaise blague à Lille, dans le sens où je pensais, moi, sincèrement, je pensais que c'était drôle. J'ai dit un truc du style, je me souviens plus mot pour mot, mais j'ai dit, allez, encore, je monte sur scène, je dis bonsoir, voilà, et je dis, donc c'était au Spotlight, et je dis, ouais, je sais pas si en fait vous à Lille, je sais plus très bien comment je l'ai dit, mais genre vous à Lille, vous êtes un, je sais pas si vous le savez, mais les autres Français vous considèrent pas comme des Français, genre vous êtes un peu les cousins trisomiques de la France, et puis j'ai dit, au final, vous êtes belges, Oh tu vois. là là, ah Et oui. je croyais que c'était drôle. Non, alors en fait, je vois totalement la construction de la blague et c'est. En fait, tu as voulu faire de l'autodérision, Tout à mais. fait. Je les Voilà, ai mais le insultés problème, en c'est fait, que. sans m'en rendre Mais compte. tu as commencé, voilà, tu as commencé en les insultant et après, tu as dit, mais vous inquiétez pas, on est pareil. Et du coup. Exactement. Voilà, du coup, ça passe pas. C'est le, je pense que aussi le choix des mots est important. Le mot trisomique, il a dû faire grincer des dents. Eh bien, franchement, je ne sais plus si j'ai dit trisomique ou pas, mais c'était un truc qui avait probablement cette même gravité. Et là, encore une fois, là, après, plus personne m'écoutait, quoi. Vraiment. Et ils étaient gentils encore, hein. Et ils Ouais. étaient gentils, hein. Dans le Tu l'as sens fait où tourner par deux, ils sont trois fois. restés respectueux, mais ça a été un gros, Ouais. ça a été un des gros beats, quoi, que j'ai D'accord, eu. c'était ta première phrase? Ouais, je crois que c'était franchement, c'était une de mes premières phrases. Eh oui, donc c'est pour ça que t'as torpillé ton propre passage, quoi. Ouais, voilà, je me suis mis une balle dans le pied, tu vois, vraiment, c'était vraiment, ça, enfin, bref, bête souvenir. Et là, s'il y a des Français qui écoutent ou plus des gens de Lille, je m'excuse, mais vous imaginez pas à quel point je me suis Ah, rendu compte après, parce que je me suis rendu compte vraiment que j'ai choqué des gens. ouais. On salue ouais, le public de Lille et le Spotlight également. Et il n'y a pas de souci, je pense que la prochaine fois, si tu y retournes, tu seras mieux armé et tu sauras mieux comment faire passer tes blagues. Ouais, ça c'est certain, ça c'est certain. Je crois, moi, que si j'y retourne, je vais pas dire vous êtes trisomique, vous êtes belge. Ça c'est sûr que je vais pas leur dire. Pas de souci. Et donc, oui, tu avais une Ouais, petite la question. dernière c'était à Charleroi, donc toujours pas à Bruxelles. Hein. Donc à Bruxelles, Ouais. ça se passe généralement bien. Première fois que je fais la première partie de Zoom et Oui. ils m'invitent, je suis trop content. C'est la première fois que je joue dans un théâtre. Donc, c'était pas la Ruche Théâtre, je connais plus le nom du théâtre, ça me revient plus. Enfin, bref, il y avait 150 places et c'était complet. Et du coup, moi, j'arrive hyper stressé, c'est une grande scène et tout, je sais pas trop où me mettre. Je commence, et là, il n'y a pas trop de réaction, mais ça va, ça rigole pas trop mal. Le public est assez âgé, mais ça va, enfin, ils font l'effort d'essayer de comprendre, donc ça va. Au fond, il y a un groupe de jeunes, ils sont morts de rire, donc ça, c'est cool. Je me sens Ouais. quand même un peu en confiance et je m'accroche à ces gens-là qui sont au fond de la salle, je regarde que là-bas presque. Et là, il y a un gars de tout devant, premier rang. Il doit avoir, je crois, 85 ans. Et je crois qu'il était un peu sénile parce qu'il m'a regardé. Il a enlevé son dentier et il l'a posé sur la scène. Et là, et sa femme à côté qui fait chier. Non, allez, c'est dégueulasse. Tu reprends, c'est dégueulasse. C'était quoi le message? Ben, je sais pas, je sais pas. Et moi, j'étais aussi assez peu expérimenté. Je crois que ça devait être genre 2 ou 3 mois après l'histoire à Liège, où je me tripais un gros bide. Donc, on est là aujourd'hui, l'heure à laquelle je te parle, ça fait 3 ans et demi que c'est passé, tu vois. Donc, ça va. Maintenant, je sais gérer les trucs comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai jamais quelqu'un qui a fait une dinguerie pareille. Le gars, il sort son dentier, il le pose sur la scène, et sa meuf qui lui dit, allez, c'est dégueulasse, elle le reprend. Et là, j'ai un blanc, je ne sais absolument pas quoi dire, je ne sais absolument pas quoi faire. Je me remets en mode, bon, quand je panique, toujours le même système un peu de défense, je me mets en pilote automatique et Ouais. c'est parti, tu vois, je déroule le texte. Ça se passe plutôt bien, finalement, mais ce moment-là, il m'a choqué, quoi, je sais. J'ai pas du tout rebondi dessus, tu vois. Il y a mille Ouais. trucs qui me sont passés en tête. Je me suis dit, ok, si je rebondis là-dessus, je suis peu expérimenté, je risque de blesser cette personne âgée. Alors, tu vois, j'avais peur de dire quelque chose, parce que si le gars enlève son dentier qu'il le pose sur scène, c'est que manifestement, il n'a pas toute sa tête, tu vois. Ah, je sais pas, ou alors est-ce que c'est pas, il a essayé genre de faire une blague lui-même pour te faire rire, ou je sais pas. Non, je pense, non, franchement, non. Il avait l'air perdu, tu vois. Enfin, D'accord. Bon, et... moi, je crois, très honnêtement, tu vois, je me mets à ta place parce que c'est un cadeau quand il arrive ça, tu vois. Ouais. J'étais choqué plus qu'autre chose, en fait. Non, mais t'étais choqué, mais je veux dire, c'est un truc, en fait, tu peux pas ne pas l'adresser, tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'en parler et tout. Mais ouais, Les gens, ils oui. attendaient sûrement que t'en parles, ils ont pas bugué aussi? Mais en fait, tu vois, donc c'est un théâtre, donc il n'y a vraiment que le premier rang qui est un peu illuminé, mais les gens derrière ne voient pas vraiment Ah, ce que le gars met. Donc il d'accord. n'y a que moi qui l'ai vu, ou les gens à côté. Et donc j'aurais pu effectivement dire, mais what, mais mec, il y a un gars, le gars là devant moi, il vient de mettre un dentier sur la scène. Enfin, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et là, j'aurais montré à tout le monde ce qui se passe et on aurait rigolé de ça ou un truc comme ça. Mais là, j'avais pas de répartie, quoi. Clairement pas, D'accord. j'étais perturbé. Et d'ailleurs, Soum ne connaît même pas cette histoire. J'étais tellement mal. Il m'avait invité à regarder son spectacle. J'ai dit non, je vais y aller. Je lui ai même pas expliqué. Je suis parti direct parce que j'étais traumatisé, quoi. Vraiment, c'est D'accord. un Donc peu fini. on peut révéler aux gens la raison pour laquelle tu as accepté le podcast. C'était uniquement pour pouvoir faire tes excuses à Soum par Et aux podcast. Lillois. Donc pardon à Soum, pardon aux gens de Lille. Un jour, j'espère faire un podcast avec le mec qui a parlé avec sa femme quand tu étais à Liège pour qu'il te demande pardon à toi. Ouais, ça j'espère aussi. Franchement, ouais. Ben, tu vois, pour le coup du dentier, je suis d'accord avec toi sur le fait que le monsieur, oui, peut-être que le pauvre, il était un peu sénile ou quoi. Je crois que ce que j'aurais fait, parce que moi, je suis un humoriste vraiment, tu sais, je suis un nounours, quoi, je suis tout gentil. Ouais, Vraiment, pareil. je vais pas tailler, tu sais, je suis pas dans les humoristes qui taillent le public méchamment et tout. Je vais taquiner, ça c'est sûr. Mais par contre, je suis toujours dans la bienveillance. Donc, je pense que j'aurais fait un mix entre toi, tu vois, ce que tu as fait du coup de ne pas réagir, et un humoriste qui va tailler le mec, sénile ou pas, je m'en fous, tu vois. Non, moi, je pense que ce que j'aurais fait, clairement, j'en aurais parlé, j'aurais pas pu résister. Et si je sens qu'il y a un malaise parce que le mec, en effet, il est vraiment sénile, j'aurais fait un truc du style. Ok, ben reprenez votre dentier, vous inquiétez pas, on en parlera après, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, Et tu juste après, dans t'excuses le spectacle. quoi. Et tu t'excuses et c'est Oui, voilà. bienveillant. Et ça reste Voilà, bienveillant. juste bienveillant. C'est-à-dire, Exactement. je vais aller piquer un petit peu du style, est-ce qu'il y a moyen qu'on en rigole? Si je sens que le mec, il est avec moi dans le move, on va rigoler, on va sûrement faire un petit callback dessus pendant le spectacle, pendant le passage, tu vois. Mais si je sens que le mec, en fait, le pauvre, il est réellement perdu, il sait pas où il est, et réellement, c'est un problème médical ou, enfin, comment dire, psychologique, là, à ce moment-là, je vais très, très vite étouffer le truc pour revenir dans le spectacle parce que s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est qu'on se moque des gens, tu vois. Non, mais ça c'est certain. Moi aussi c'est le pire truc. Mais moi j'avais peur. Tu vois, j'avais pas cette expérience encore de aujourd'hui quand tu rebondis sur quelque chose. Tu vois, ça me fait penser. J'ai fait une scène à l'ULB il y a pas très longtemps. J'ai dit un truc comme ça en impro et j'ai senti le mec un peu vexé. Et directement j'ai rebondi en mode ah je suis désolé, je voulais pas te vexer. Tu vois ici ça reste bienveillant. Tu vois, on est là pour rigoler. Donc si tu veux tu m'expliqueras après pourquoi et tu vois ça m'aidera moi à m'améliorer en tant qu'humoriste, quoi. Et direct, le gars, son visage était fermé, et là, il s'est clairement ouvert, et c'était reparti, quoi, et tout le monde était avec. Donc maintenant, j'ai cette expérience-là de réussir à, ben, à, comme tu dis, tu vois, à rester bienveillant et à rebondir sur les choses, sur les cadeaux du ciel qu'on t'offre, tu vois. Mais là, ça faisait un an que je faisais ça, et quand ça fait pas beaucoup de temps, on te propose pas beaucoup de scènes, donc si j'avais fait 20 scènes, c'était beaucoup, et en 20 scènes, t'as pas le temps de te faire de vraies armes, entre guillemets, au niveau de l'impro, quoi. Non, non, bien sûr, je comprends. Bah, moi, pareil, hein. Moi, ma première année, pour te dire, ma première année, j'ai dû jouer honnêtement, ouais, genre une dizaine de fois, peut-être Ouais, maximum. voilà. Et Vraiment. d'ailleurs, à Bordeaux, il y a beaucoup de plateaux. Ben, nous, on a notre plateau à nous, enfin notre scène ouverte qui s'appelle le Gavet Style. C'est tous les Ouais. jeudis. Et après, il y a de temps en temps des petits plateaux, genre le premier mercredi du mois, tout ça. Il y a un truc qui s'appelle la Tencha, tu vois, Tencha Comedy Club et tout. Il y a des trucs un petit peu, tu vois, ponctuels, mais en régulier, il y a que nous, je crois. Donc le Gavet Style tous les jeudis Ok. à la drôle de scène, voilà. Et Vas-y. ben, tu vois, genre à l'époque, ouais, j'aurais eu certainement la même réaction que toi, si j'avais eu le dentier. Aujourd'hui, je sais que j'aurais su gérer, mais à l'époque, non. Je pense que j'aurais eu la même réaction que toi. On n'a pas les armes pour vraiment se lancer là-dedans. On est sur des rails, en fait, et on a tellement peur de quitter nos rails que, voilà, on reste en mode pilote automatique, comme tu l'as dit, et puis on enchaîne le texte, on déroule à fond. Et puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, je suis sûr que ça t'arrive, la même chose. Allez, quoi, tu vas gérer, tu vas prendre ça comme un cadeau, quoi. Ouais, non, mais ça c'est sûr, c'est certain. Mais à ce moment-là, j'étais tellement déstabilisé. Enfin, tu vois, C'est normal. t'as compris, C'est normal, c'était t'étais tout chiant. neuf, t'étais encore vert, comme on dit, quoi. Exactement, une Voilà. jeune pousse. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, à partir de maintenant, si vous voyez Sacha, sur scène, ne vous inquiétez pas, dentier à volonté, il n'y a pas de souci. Exactement. Tu sais que le pire, c'est quand je raconte cette histoire, la plupart des gens ne me croient pas. Ah non, moi Mais je te crois. J'ai entendu tellement de choses et j'ai vu tellement de choses que franchement, Ouais, j'imagine. t'aurais pu me dire n'importe quoi, je t'aurais cru. Il n'y a pas de souci. Ah non, il y a des gens qui n'y croient pas. Non, ouais, il y a des gens qui y croient pas, mais parce que par exemple, tu vois, en général, quand ce truc-là, il t'arrive, tu le racontes directement. Tu vois, moi, j'ai mis du temps à le digérer, genre à réaliser ce qui venait de se passer, pour après en parler comme ça, en anecdote, mais je me suis pas empressé de dire, c'est pas ce qui m'est arrivé, il y a un gars, il a enlevé son dentier, il l'a mis sur scène. Donc, mais c'est quoi ça? Il y a un truc qui m'intrigue et franchement, t'es pas obligé de répondre. Mais c'est quoi la pire galère que t'as entendue? Parce que ça Ah, m'intrigue de ouf. que j'ai entendu dans tout le podcast. Ouais. Oh là, alors ça me dérange pas du tout de répondre, faut juste que je réfléchisse parce que j'en ai entendu tellement. Bah une qui te vient par à l'esprit parce que moi ça m'intrigue. T'es pas obligé de dire qui. Enfin, de toute façon, j'étais allé rechercher, tu vois, c'est pas De toute compliqué. façon, non, mais t'inquiète pas. Si elle est dans le podcast, c'est que je peux donner le nom, il n'y a pas de souci. Ah là là là là là là, eh, vraiment c'est une colle là, je sais pas. Attends, je réfléchis parce qu'il y en a eu des belles, hein. Il y en a vraiment, c'est sur le. Je pense qu'une qui me vient naturellement, bah en plus c'est une Belge également, Ouais. c'est Julie Villers, tu vois, Ouais. qui m'a raconté qu'elle avait joué dans une ville en France, on lui avait acheté son spectacle. Donc, les gens savent qu'elle fait de l'humour très piquant et tout. C'était son spectacle, Je buterai bien ma mère un dimanche. Tout est dit dans le Voilà. titre, je crois. On est d'accord. Voilà, si tu recherches Julie Villers, Je buterai bien ma mère un dimanche, tu vas voir l'affiche. L'affiche, genre, elle est assise et puis elle est. Tu sais, c'est comme si elle disait oups, genre, en gros, j'ai buté ma mère, quoi, et elle a les mains. Elle a Plein du de sang, sang. quoi, sur elle, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, c'est assez, voilà, assez explicite. Sauf que cette ville-là, donc, ils l'ont fait venir parce qu'elle avait dirigé un truc avec des enfants et tout. Elle avait fait des ateliers avec des enfants. Elle les avait initiés à la scène, je crois, un truc comme ça. Et ils l'ont fait venir. Ils lui ont dit, oh, on aimerait bien voir ton spectacle et tout. Ils la font venir. Ils mettent pas le titre sur l'affiche. Ils disent pas que c'est un spectacle, genre, un peu piquant ou quoi. On voit juste Julie Villers avec une tache de sang et tout qui fait oups, c'est tout. On voit juste ça, tu vois. On comprend pas ce que c'est. Et du coup, les gens sont venus. Pendant qu'elle joue, les élus, ils sont outrés et tout. Elle voit le présentateur qui lui fait des grands signes sur le côté, tu vois, dans les coulisses, quoi. Il lui fait des grands signes. Normalement, elle sortait pas de scène. Elle a fini par sortir de scène quand même, genre vite fait en mode sur le côté comme ça. Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il lui dit, non, ça va pas. Les élus sont pas contents. Il faut changer le texte et tout. Mais Comment tu tu as vois. changé le texte, wesh? On est d'accord. Ensuite, elle fait un truc dans lequel elle vit une espèce de cauchemar et tout. Et genre elle se réveille un peu en sursaut ou je sais plus quoi. Et le mec il fait, mais tout ceci se passe dans la tête de Julie. Tu sais, le présentateur, il rentre dans le spectacle, quoi. Mais je te jure, la cerise sur le gâteau, vraiment, tu vas comprendre pourquoi est-ce que vraiment j'ai retenu cette anecdote-là, c'est que à un moment, il y a un noir dans son spectacle, et ça enchaîne sur la fin du spectacle, on va dire. Ouais, logique. Mais je crois qu'il restait encore, il restait genre 10 minutes ou quoi, hein. C'était pas la fin, tu vois. Et le présentateur, sans qu'on lui ait rien demandé, il a profité d'un noir pour rentrer sur scène et faire, Mesdames et messieurs, c'était le spectacle de Julie Villers. Ouais, franchement, c'est quoi, j'ai bien fait de demander parce que franchement, c'est difficile à égaler en termes de galère. Ben écoute, Franchement, je t'invite à écouter l'épisode de Julie Villers et je à ce t'invite à que je vais écouter les faire. autres. Ben, je pense que tu vas trouver quelques Ouais, pépites. c'est combien d'années de psychanalyse après ça, sérieux? C'est Ah chaud. bah. Non, mais c'est une baroudeuse de l'humour et je pense qu'elle s'en est remise assez vite, même si Ah ça a dû la choquer sur oui. le moment. C'est sûr, quoi, mais waouh, quoi. Enfin, bref. En tout cas, bah, écoute, merci beaucoup, Sacha. Merci Merci à d'avoir toi. été. Bah, avec grand plaisir, merci d'avoir été avec nous dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben écoute, sur Instagram, Sacha tiré du bas, Ferra tiré du bas, et voilà, le spectacle une fois par mois au Kings of Comedy Club s'il y a des gens qui viennent de Ok. Bruxelles ou de Belgique. Très bien, tu as une page Facebook également? J'ai une page Facebook, toujours Sacha Ferra, Ferra. Donc voilà, si les D'accord. gens sont chauds, avec Avec grand plaisir. plaisir. Facebook, Insta, c'est là que je mets toutes les actus. Et voilà. Twitter, YouTube peut-être? Ah ouais, j'ai fait une chaîne YouTube juste pour faire une vidéo en expliquant comment faire du stand-up en Belgique. Si je peux aider une ou deux personnes qui se posent des questions sur comment commencer le stand-up en Belgique. C'est là en fait que j'ai vu ton truc. En fait, c'est la première fois que j'ai vu ton nom. C'est par rapport à cette vidéo justement. Ah J'ai ben regardé. voilà, ben Tu voilà. faisais une espèce de vlog et tout. C'est Et ça, c'est ça, c'est ça. du coup, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Ben non, j'en fais qu'un, tu vois. C'était vraiment juste pour dire, voilà la recette de comment Ah. monter sur scène pour la première fois, avec D'accord. les noms qu'il faut contacter et tout quand on habite en Belgique, parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir il y a Ah, 3 ans, quoi. j'aurais bien aimé genre, tu sais, que t'en fasses une série un peu genre, tu sais, pour parler de l'humour en général et Ah tout. Enfin, ouais, ça mais aurait ça, quand été. les scènes ouvertes reprendront, effectivement, je fais un épisode vlog où je vlog une scène. Mais ça, je pense que je vais continuer, même quand les scènes Mais moi, c'est reprendront. ça que j'ai vu. Alors, je sais pas si on parle de la même vidéo. Moi, c'est celui que j'ai vu où tu faisais le what the fun. Ah ouais, non, ça c'est autre chose. J'ai vraiment vlogué une scène et j'ai fait un petit montage comme ça pour rigoler. Ah, Mais sinon, d'accord. j'ai fait une autre vidéo où j'explique, où je donne Ah. un carnet d'adresses, quoi. Alors, pardon, alors autant pour moi, c'était pas la même vidéo, bah, j'irai la voir du coup. Eh bien, pas de souci, je mettrai tout ça. Donc, je mettrai Facebook, YouTube et Instagram, il n'y a pas de problème. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.